Andale, vamos, vamos, bitch. On dans le gamos, gamos, bitch. On dans la caisse, mets-toi à l'aise. Puis laisse-moi toucher tes fesses. Libéré, je commande des tacos. On connaît, tu rentres en tacos. Rien ne couvre, putain de placos. J'ai la grosse peuple de Ramos. Elle veut fuck avec US. Y'a mon numéro son iOS. Un peu sexe dans la Mercedes. Je le baisse, je le baisse. Je suis dedans, Gucci. J'allume la Blue Cheese. Moi j'ai pas ton temps. Moi j'ai pas ton temps. Bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch. Oula, stick, stick, stick, stick, dans la street, fuck les flics, nick, nick, bitch, bitch, j'mouille son clit, j'suis un flic, avec ma clic, bitch, bitch, j'fais du fric, j'fais du fric, fric, bitch, ma biche, son dîner rempli, yeah, ma main est grossie, cavarotti, dans mon poulet, c'est un poulet rôti, j'ai le plug, yeah, go, yeah, comme un de ghetto. Je suis dans le ghetto, j'emmène la new way, j'emmène les bouteilles. Et toi je crois pas comme un Ken, je suis dans la Mustang, je suis comme Daisy, elle est cool, j'ai, et toi je crois pas comme un Ken, NSCXO.